Soliman. Merci d'être avec nous dans ce journal, dont voici tout de suite le sommaire. Une maman de la colline Kinga en commune Provence Kayanza affirme que ses enfants mangent une seule fois par jour. Nous vous proposons un reportage personnalisé réalisé à l'occasion de la célébration ce 16 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation. Au Burundi, c'est la commune de Bukemba en province Rutana qui a abrité les cérémonies. Il faudrait repenser la manière d'organiser les émissions publiques pour que toutes les questions trouvent des réponses à même d'éclairer l'opinion. Vous entendrez les avis des journalistes seniors et du citoyen lambda. Les confrères manquent d'occasion pour relancer leurs questions alors que la population ne reçoit pas de feedback sur les questions restées en suspens. Vous l'entendrez. Un tenancier dans des buts de boisson de la commune de Tangara en province Ngozi écope d'une amende d'1 million de francs burundais pour spéculation sur les produits Braroudi. Notre correspondant sera en ligne pour les détails. La chronique sur les messages de haine de ce mercredi se penche sur les discours discriminatoires. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'exiguïté des terres cultivables et la montée des prix des denrées alimentaires de première nécessité au marché sont certaines des causes d'une alimentation non équilibrée dans beaucoup de familles en province Kayanza. L'exemple est celui d'une femme de la colline Kinga, commune et province Kayanza, qui dit que ses enfants mangent une seule fois par jour. Ngabonziza Jean-Claude, nutritionniste à Kayanza, trouve que l'aménagement d'un jardin potager pourrait pallier provisoirement le problème d'alimentation non équilibrée. Patrick Saint-Guillaume. Niyonguru Janine est une femme veuve de 37 ans, mère de 3 enfants. Nous nous sommes entretenus avec elle lorsque nous l'avons rencontrée à la colline Kinga en commune et province Kayanza quand elle était en train d'éplucher des patates douces pour préparer le repas de midi de ses enfants scolarisés. Elle indiquait qu'elle ne parvient pas à bien nourrir ses enfants du fait qu'elle a une propriété foncière très exiguë. Cette femme fait savoir que ses enfants mangent une seule fois par jour et que même l'alimentation qu'elle donne à ses enfants là n'est pas équilibrée. Niyonguru Janine précise que l'alimentation de ses enfants est composée principalement de la pâte et du maïs et des patates douces. Elle regrette que le manque d'une alimentation équilibrée chez ses enfants impacte négativement le rendement scolaire, d'où il demande aux bienfaiteurs de lui accorder un petit capital pour démarrer une activité génératrice de revenus afin de trouver des moyens pour bien nourrir ses enfants. Jean-Claude Ngabonziza, nutritionniste à Kayanza, appelle la population à l'aménagement des jardins potagers dans chaque famille pour pallier provisoirement au problème de l'alimentation non équilibrée qui se fait parler dans les familles, surtout que c'est le lit. Ce type de jardin permet de cultiver des légumes de différentes espèces. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyouva pour la radio Isanganiro. Les Burundais sont appelés à consentir plus d'efforts afin de révolutionner le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Cela permettra d'éradiquer la famine à travers tout le pays. Propos du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage ce mercredi en commune de Bukemba de la province Rutana, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur », ne laissez personne de côté. Un tenancier dans des buts de boisson Braroudi de la commune Tangara en province Ngozi a été frappé d'une amende d'1 million de francs burundais, accusé d'avoir caché des dizaines de casiers de Primus et d'Amstel 65 centilitres. Le gouverneur de cette province avait récemment invité la population à dénoncer toute forme de spéculation sur ces produits. Les détails dans cette correspondance d'Apollinaire Muzakara. La police et l'administration ont saisi 30 casiers de Primus 72 centilitres et ceux d'Amstel 65 centilitres cachés chez ce tenant de débit de produits Braroudi. C'était ce mardi. Ces responsables administratifs et policiers ont alors décidé la vente de ces boissons au prix normal, soit 2500 francs à la Primus et 3500 francs à l'Amstel. Selon le gouverneur de la province Ngozi, l'argent issu de cette vente a été remis au cabaretier. Mais ce dernier a été frappé d'une amende de 1 million de francs et son bistrot définitivement fermé. Le gouverneur Désiré Minani avait récemment sorti un message qui circulait avec son numéro de téléphone dans les groupes WhatsApp, message invitant la population à la dénonciation de tout spéculateur de ces produits Braroudi. Dans cette province Ngozi, la moutarde longue coûte actuellement 5 000 à 6 000 francs la bouteille. contre 3500 francs-bourg reconnus normalement par la loi. Et la primus qui coûtait 2500 francs-bourg est aujourd'hui à 4000 francs-bourg sur bon nombre de cabarets moyens. Certains même exigent l'achat d'une brochette pour avoir une bouteille d'Amstel ou de primus. C'est au moment où les prix sont respectés. Dans la province voisine de Gitega, selon toujours les amateurs des produits Brarudi Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Les émissions publiques organisées ont une grande importance selon certains habitants de la commune Rugombo dans la province de Cibitoke. Mais ils affirment que parfois ils restent sur leur soif. Quant aux réponses apportées sur certaines questions soulevées, ils regrettent de ne pas recevoir de feedback sur les problèmes soulevés, comme par exemple ceux en rapport avec les terres. Suivez. J'ai suivi l'émission publique ici à Cibitoke et j'ai constaté que les porte-parole des institutions étaient tous là et ils répondaient aux préoccupations de la population. Cette émission, organisée tous les trois mois, a une grande importance car ça donne l'espace aux gens d'exposer leurs problèmes. L'émission des porte-parole apporte une plus-value dans la vie de la population. Chaque personne s'exprime librement. Tous ceux qui ont des problèmes fonciers trouvent une occasion de présenter leurs problèmes aux instances habilitées. Mais ce qui manque toujours, c'est de savoir la finalité de ces problèmes s'ils ont pu trouver une solution. Lorsqu'une question est soulevée, le concerné reçoit une réponse. Mais il y a des cas où cette question mérite d'être réécoutée dans une commission. Là, nous ne savons pas si cette question trouve réellement une solution. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une mise en place d'une commission permanente chargée de suivre toutes ces questions soulevées jusqu'à rétablir dans la justice les parties lésées et donner le rapport dans une émission suivante. Et les journalistes devraient avoir du temps suffisant pour poser toutes les questions d'intérêt public lors de ces émissions publiques. D'après des journalistes seniors interrogés par notre rédaction, il a été constaté que lors de ces émissions, des questions de relance manquent pour amener les répondants à éclairer l'opinion. Ils trouvent par ailleurs nécessaire de réserver une journée où seuls les journalistes poseraient des questions et une autre pour la population. Suivez ce micro-baladeur. Je salue cette existence. Il faut qu'il y ait toujours un dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Notre rôle, alors, est de poser toutes ces questions d'une manière efficiente, d'une manière efficace, pour qu'on ait des réponses. Alors, est-ce que je suis satisfait des réponses qui sont données? Ça peut être personnel, mais quelquefois, il y a des questions, on sent que, on dirait que c'est pas bien préparé. La question était directe, la question était pertinente. On sent que la réponse n'est pas tout à fait celle qu'on attendait. Alors, il y a, dans ce cas, ce qu'on appelle les questions de relance. Est-ce qu'il y a des questions de relance? Les autorités qui ont initié de telles rencontres, de telles émissions publiques ont fait un effort de plus dans leur travail de communication, ce qui est louable. Mais ce qui est très important du côté du journaliste, c'est de voir dans quelle mesure de telles émissions qui sont organisées contribuent à l'accès à des informations qui sont fiables, des informations qui font avancer la société. J'ai rarement vu quelqu'un retourner, essayer de faire une deuxième question. On dirait que c'est... Non. Il faut donner la chance peut-être aux modérateurs qui sont là devant pour essayer de poser ces questions de précision, ces questions de relance, pour avoir plus d'éclaircissement. Il arrive des fois où ces modérateurs, parce que talonnés peut-être par le temps, parce qu'il faut réserver le temps aussi pour la population, les citoyens, à poser leurs questions. Des questions, souvent, c'est perso, c'est personnel. C'est pas d'intérêt public comme les questions des journalistes. Et là, ça pose question. Je me dis qu'il faut donner du temps aux journalistes de poser toutes ces questions. Tout d'abord, je pourrais vous dire que l'organisation en soi, c'est une bonne chose. Parce que les autorités doivent rendre compte aux populations de la façon dont le pays est géré. Mais il y a dans l'organisation des choses à corriger. Notamment, quand on mélange les journalistes et les populations, là, le rendement risque d'être un peu faible. Deuxième chose, quand vous regardez de près ce qui se passe, le gouvernement est représenté par des porte-paroles. Ce n'est pas bon, pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement qui est l'exécutif. C'est le gouvernement qui prend des décisions. Ça devrait être le gouvernement qui devrait se présenter en lieu et place des porte-parole. Parce que les porte-parole, ils n'ont pas de solution. C'était le micro-baladeur de la rédaction. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation ce mercredi 16 octobre, la Sierra Leone organise un rassemblement de 2 jours dans la région de Kaliaoun, à l'est, pour sensibiliser le public et favoriser une alimentation saine et locale. L'autosuffisance alimentaire est au cœur d'un programme phare du gouvernement intitulé Feed Salon. Ce programme ambitieux, financé par plusieurs bailleurs internationaux, dont la Banque mondiale, souffle sa première bougie aujourd'hui. Le gouvernement de Julius Maada Bio mise sur plusieurs axes pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il prévoit notamment d'augmenter l'irrigation des terres, de les rendre moins tributaires des effets du changement climatique et d'améliorer l'accès au financement. Si la production nationale de riz, principale denrée alimentaire de la Sierra Leone, a augmenté de 15%, cette hausse ne suffit pas pour permettre aux agriculteurs de vivre. Nombre d'entre eux dépendent encore des importations qui coûtent à la Sierra Leone plus de 200 millions d'euros par an, selon la Banque mondiale. Autre sujet en international, la haute cour de Nairobi a tranché. La procédure de destitution du vice-président kényan Rigathi Gachagua se poursuivra. Après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale avec 282 voix sur 349, cette procédure doit désormais passer devant le Sénat. Le vice-président avait saisi la haute cour kényane afin d'empêcher cette prochaine étape qui pourrait mener à sa destitution. La motion déposée par un député de la coalition présidentielle liste 11 accusations contre le vice-président. Corruption, atteinte à l'unité nationale et insubordination, entre autres. Au Sénat, 45 voix sur les 68 seront nécessaires pour appliquer cette procédure de destitution. Pour l'heure, la Chambre haute du Parlement du Kenya n'a pas encore indiqué la date à laquelle ce vote aura lieu. Parle, rassure-moi. La chronique sur les messages de haine de ce mercredi se penche sur les discours discriminatoires. Les habitants de la commune Nyamurenza estiment que ces messages se basent sur des intérêts poursuivis par des membres des partis politiques. De tels messages devraient être évités, dit le secrétaire exécutif permanent de cette commune, qui trouve que des violences peuvent s'en suivre. Il faut revenir à la raison, suggère Tade Kabura, expert en résolution pacifique des conflits. Les détails avec Mireille Kanyang. Cet expert en résolution pacifique des conflits explique que les discours discriminatoires peuvent être dus à la recherche des intérêts, appelant à faire attention à un groupe comme de l'autre, dit Tade Kabura. Il y a des discours discriminatoires. Là où on trouve des gens appartenant à un groupe politique tel et qui profèrent des menaces ou des intimidations à l'égard d'autres groupes politiques. On peut trouver des noms attribués à des groupes opposés. Et ces noms, lorsqu'on les analyse, ils sont de nature à provoquer la haine, à provoquer la jalousie entre les gens. Vous allez trouver dans des discours, quand on dit qu'il faut faire attention à ces gens, ils appartiennent à des groupes opposés, il faut faire attention à des gestes, il faut poursuivre leurs actes. Ce sont des gens qui sont opposés à nos intérêts, et qui peuvent nous empêcher d'arriver à des postes de responsabilité, qui peuvent nous empêcher d'arriver à tels objectifs. Ce sont essentiellement les intérêts. Mais lorsque on a un groupe de personnes derrière, on se réfugie derrière en disant que c'est un intérêt du groupe, c'est un intérêt général. De tels discours sont surtout scandés par des gens ne partageant pas un même groupe, selon des habitants de la colline Chiri, en commune Nyamurenza de la province Ngozi. D'après cet expert en résolution pacifique des conflits, les discours discriminatoires peuvent générer des violences de masse. Ça peut générer des violences de masse. Parce que lorsque les groupes sont opposés à un discours, en parole, et ils peuvent même aller en action. Et lorsqu'ils entrent en action, et lorsqu'ils se rentrent dedans, ils peuvent y avoir même des tueries de masse. Et c'est pourquoi il faut faire attention avec ces discours qui peuvent entraîner de violences massives dans la communauté. Quant à Jérôme Mendeshimiye, secrétaire exécutif et permanent de la commune Nyamurenza, la population est calme et ne donne pas place aux divisions. La population de la commune Nyamurenza fait partie des différents partis politiques, mais ils collaborent très bien. Il y a une bonne cohabitation entre les membres des différents partis. Là, vraiment, il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. La population, s'il y a des dérapages, elle n'est pas aussi contente que ces dérapages puissent surgir. C'est pourquoi elle est prête à empêcher ces dérapages. L'expert en résolution pacifique des conflits suggère aux auteurs de tels discours de revenir à la raison et de penser aux conséquences néfastes sur sa personne, sa progéniture et la communauté. Un rapide rappel des titres avant de nous séparer. Une maman de la colline Kinga en commune et province de Kayanza affirme que ses enfants mangent une seule fois par jour. Vous avez suivi un reportage personnalisé réalisé à l'occasion de la célébration ce 16 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation. Au Burundi, c'est la commune de Bukemba, en province de Rutana, qui a abrité les cérémonies. Il faudrait repenser la manière d'organiser les émissions publiques pour que toutes les questions trouvent des réponses à même d'éclairer l'opinion. Vous avez entendu les avis des journalistes seniors et du citoyen lambda. Les confrères manquent d'occasion pour relancer leurs questions alors que la population ne reçoit pas de feedback sur les questions restées en suspens. Et un tenancier dans des buts de boissons de la commune Tangara en province Ngozi écope d'une amende d'un million de francs burundais pour spéculation sur les produits Brarodi. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au revoir.